Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches de 21h à minuit, c'est votre rendez-vous rock et musiques expérimentales sur Radioactive 100 FM à Toulon et dans sa région, ou sur le radio-active.net partout ailleurs dans ce vaste monde. Émission en trois parties comme d'habitude. Première période plutôt rock. Deuxième et partie de l'émission, un live. On retrouvera Pavement, un excellent, vraiment excellent groupe en Géorgie en 1994. Et puis, dernière partie, plus politique, textuelle, littéraire, mais en musique quand même. On attaque immédiatement avec Ty Segall et ce morceau Circles. Comme d'habitude, pour retrouver tous les titres de l'émission, c'est sur le site de la radio. Allez, c'est parti, go! We'll be right back. find your family. I wish I felt love. options like if you've got wings or have you got feelings and can you breathe underwater. He chose lifting 10 times his weight and natural body armor. On the day his mother gave, he came out as an insect. People talking soda pop, they talk it quite a lot. The opinions that I don't give and the opinions I don't got. White lies fall off of my yellow teeth, I didn't convince you, but I didn't mean. White lies fall off my yellow teeth, I didn't convince you, but I didn't mean. Try our music. say, yeah, you just can't use it. Talk on my records and my stereo. Double kick it to the earlobe. I say, try on music. I say, yeah, you just can't use it. Man, you got it in a back to me. I say, try on music. I say, yeah, you just can't use it. Try on music. You just can't use it. Just can't use it. Try on music. Hit the cold streets every night, under cover of the radioactive lights. A quick glance to the hit parade, a boom, a boom, a boom, a boom. I hit the floor of the masquerade, eating violence in the state of the end of days. I'ma stay close while I can, but my breath is fast running. The city to this trigger, all this neon, crystal jaded. The sidewalks are black and the walls all gray. Shit like fog in a cell of fear arises. The sidewalks are black, the walls are gray. Midnight sound here. I must go home. I must go home. I must go home. We'll be right back. brother couldn't understand why people shook him by the hand and laughed at him and told behind his back. Michael didn't know the rules of his confused at old school that sent him to get in the view to leave. Michael's got a girl. Now he's living on the hill. Watch the people around, shouting down the kids as play. He'll teach them all to stay away. Mother screaming, running round. No one laughs at Michael now. At the classroom window soon, a hill which made him feel so good. Seems he'd like to have it as a home. Michael's got a gun. Now he's living on the hill. Watch the people run, shooting down the kids at play. He'll teach them all to stay away. Mother screaming, running round. No one laughs at Michael now. Gun. Now he's living on the hill. Watch the people run, shouting down the kids at play. He'll teach them all to stay away. Mother screaming, running round. Now one laughs at Michael now. Michael laid down in the sun. Perhaps he put away the girl. He found it terrible. The crowd of vigilantes crew. So Michael used the gun just one last time. Michael's got a gun. Now he's living on the hill. Watch the people run, shooting down the kids that play. He needs them all to stay away. Moses screaming, running round. No one loves a Michael now. Mm-hmm.

Eagles, father. Hmm? C'est sur ce morceau des Foo Fighters, Learn to Fly, qui était repris il y a quelques mois par des milliers de musiciens dans un champ en Italie, que s'achève la première partie de Lost in Space sur Radioactive 100 FM. C'est l'heure maintenant du live. Et comme promis tout à l'heure, on retrouve Pavement, groupe majeur du rock indépendant des années 90 et donc en concert en 1994 en Géorgie aux États-Unis. Go! We'll be right back. States. We want two states. We'll be right back. Thanks. Thank you. Vous êtes bien sur le 100 FM Radioactive à Toulon, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock du dimanche soir. On a eu une première partie rock'n'roll, le live à l'instant avec Pavement, enregistré en 1994 aux États-Unis. Et c'est l'heure de notre partie un peu plus textuelle et mélangée de musique. Le texte aujourd'hui, c'est un bel article sur l'URSS, un capitalisme d'État réellement existant, qui va être intercalé de longues plages musicales, et on commence d'ailleurs par une plage musicale. C'est Teardrop Factory, un groupe de l'année dernière, et le morceau c'est Deeper and Deeper. C'est parti. We'll be right back. Quand j'emploie un mot dit Humpty Dumpty d'un air méprisant, il signifie juste ce que j'ai décidé qu'il signifie, ni plus ni moins. La question qui se pose, dit Alice, est de savoir si vous pouvez faire exprimer au mot des choses différentes. La question est, dit Humpty Dumpty, qui est le maître ? Un point, c'est tout. Lewis Carroll. A couple of years and I'm a silhouette. My halo is broken now and I'm all that's left. I hate to disappoint, but it's the way things went. I was blind to the things I did and deaf to what was said. Tie up these loose ends, 'cause voices are calling me out. I've got the solution, you can feed me to something that is leaving this town. Whoa, I'm losing hope, there's a hole in my heart that's been cut out of stone. Whoa, cold comes, cold goes, could you fill this hole, 'cause I can't do it. More if I have to. see me sitting up. Don't mind dying this morning. I have to ride a blind. Tell me that this old word, old blue man, is the worst old feeling I most ever had. She got edge and moving from her head down to her toes, breaking on a dollar most anywhere she goes. Depuis que, en bénissant les ouvriers de Gdansk occupés à redonner vigueur à la bonne vieille lutte des classes, Karol Wojtyla a réactivé la sainte chasse à cour pour terrasser le communisme existant réellement, l'empire monde soviétique a commencé de s'écrouler, emportant dans sa débâcle le spectre qui hantait l'Europe depuis 150 ans. Aujourd'hui, plus aucun fantôme terrifiant ne menace les puissances occidentales. Alléluia. Hormis quelques tyranno-balkans ou slaves, de Londres à New York, en passant par Berlin, Prague, Varsovie, Moscou, Tokyo, etc., les Occidentaux se trouvent enfin entre gens civilisés et peuvent s'abandonner en toute quiétude aux douceurs du commerce mondialisé, refoulant la barbarie au-delà des frontières de leur univers policé. I love you. Nous vivons à présent dans un monde désenchanté, non seulement parce qu'il a été exorcisé, débarrassé de son maléfique démon, mais aussi parce qu'il n'est désormais plus permis de rêver une société où le libre développement de tous serait la condition du libre développement de chacun. Si l'on en croit les esprits avisés, c'est-à-dire tout le monde, il n'y aurait en effet plus d'alternative au capitalisme trop réel depuis l'effondrement de ce qui était présumé symboliser son antithèse. L'humanité serait condamnée à se soumettre à l'ordre capitaliste et à communier dans le culte de la démocratie marché, stade de développement des sociétés qui signifierait à la fois la fin de l'histoire et celle des idéologies. Et si d'irréductibles réfractaires ne condescendent pas à admettre cette criante évidence, il se trouve toujours quelques plumitifs pour leur seriner le vieux syllogisme bourgeois. Tout ce qui est naturel est éternel, la société bourgeoise est régie selon des lois naturelles, donc la société bourgeoise est éternelle. Ainsi raisonne Alain Minc. Each other. Oh, you are such a holiday. Aujourd'hui, l'anticapitaliste est aussi exotique que le persan au temps de la Régence. Et les rares auteurs, le spéculateur Georges Soros ou l'histrion Jean-François Kahn par exemple, qui affectent d'en adopter la posture, ne risquent guère d'être pris au sérieux malgré l'indulgente attention que leur accordent les médias. À une époque où règne sans partage l'utilitarisme, le réalisme pragmatique, le culte de la compétition et de la performance, l'affairisme éhonté, en bref où le capitalisme connaît une éblouissante apothéose, il n'est plus question de saisir les problèmes du monde contemporain à leurs racines. Il n'y a place que pour la fin de dissidence et la piètre pensée. Les plus audacieux tempêtent contre la pensée unique et prônent au nom de la défense des intérêts acquis le retour à l'intervention de l'État, sa main gauche de préférence. Les plus radicaux se réfugient derrière l'étendard de la nation pour mieux accuser la sauvagerie de la mondialisation. Et les plus engagés se battent par autant interposé pour le respect des droits de l'homme, sans se préoccuper de savoir si lesdits droits ne sont pas bafoués par les États démocratiques qui s'en prévalent. Thank you. Cet affligeant désert idéologique qu'il ne faut guère espérer trouver chez les rêveurs patentés, le délire poétique qui fera sortir les modernes de leur léthargie en leur offrant l'espoir d'une existence bien remplie, d'hommes réellement libérés de toute forme d'oppression et d'aliénation. De nos jours, les utopistes ne quittent pas leur charentaise et embourgeoisent sagement leurs projets de papier. Tel économiste nous invite à chasser le mauvais capitalisme pour ne retenir que le meilleur. Tel autre, socialiste, conseiller des princes, banquier, assoit l'utopie du XXIe siècle sur la pyramide des âges et les prélèvements obligatoires. Les plus généreux préconisent l'allocation universelle d'un revenu versé à chacun, indépendamment de sa situation dans la production. Ils prennent cependant soin de préciser, sans doute pour ne pas paraître trop subversif, que cette solution permettrait au capitalisme de ne pas succomber à une crise de débouchés. sky above us, one ocean lapping all our shores, one earth so green round, who could ask for more? And because I love you, I'll give it one more try. Show my rainbow race, it's too soon to die. Some folks wanna be like an ostrich, bury their heads in the sand. Some hope that plastic dreams can unclench all those greedy hands. Some wanna take the easy way, poisons, bombs, they think we need 'em. Don't you know you can't kill all the unbelievers? There's no shortcut to freedom. One blue sky above us, one ocean lapping all our shores, one earth round, who could ask for more? And because I love you, I'll give it one more try. To show my rainbow race, it's too soon to die. Go tell all the little children. Go tell all the mothers and fathers too. Now's our last chance to learn to share what's been given to me and you. One blue sky above us, one ocean lapping all our shores, one earth so green and round, who could ask for more? And because I love you, I'll give it